Chapitre 3e. L'accusé. Veuillez excuser, monsieur, la liberté que j'ai prise de vous attendre ici, dit Paulin Broquet, mais il m'a semblé inutile que vos amis me vissent chez vous. Pourquoi, monsieur, à qui ai-je l'honneur de parler? Je suis Paulin Broquet, de la Sûreté. Ah, très bien, le détective fameux. J'ai souvent entendu parler de vos exploits. Que puis-je faire pour vous être agréable? Me suivre. Au parquet, encore? Non, chez M. Montreuil. Dans quel but? M. Montreuil a recouvré toutes ses facultés, toute sa lucidité d'esprit. On veut me confronter avec lui? En souriant, le comte ajouta. J'ose espérer qu'on ne me croit pas coupable. Je viens seul vers vous, discrètement, répliqua le détective sur le même ton. Cela doit vous rassurer suffisamment. D'ailleurs, monsieur, je ne refuse nullement de vous suivre. Le comte de la Guérinière demanda. À quelle heure dois-je me rendre chez M. Montreuil? Immédiatement. Tout de suite, comme ça? Vous me donnerez cependant le temps de changer de costume. Les instants sont comptés. Malgré l'avis des médecins, on doit craindre une rechute soudaine, qui se terminera par une catastrophe. Je vous suis donc. Le comte tenait son chapeau de la main droite. Votre cravache, lui dit le détective en le prenant sur la table où le comte l'avait déposé en entrant. Vous ne la prenez pas? Si, merci. Il avança la main gauche vers la cravache que lui tendait le détective. Il la prit, mais la cravache lui échappa des mains et tomba sur le tapis. Le comte se baissa, la ramassa vivement en disant à Paulin Broquet « Je suis d'une maladresse incroyable de la main gauche. » Le détective ne répondit rien, mais il eut le souvenir d'avoir démontré au magistrat que M. Montreuil avait été frappé par un gaucher. Au moment où ils atteignaient le perron du Coquet Hôtel devant lequel attendait l'automobile, un domestique remit au comte de la Guérinière un télégramme que celui-ci s'empressa d'ouvrir. À cette lecture, dans la physionomie du gentilhomme s'opéra un changement soudain qui n'échappa point au regard du détective. Le comte maintenant souriait, relevait la tête, tout en posant sur Paulin Broquet un regard assuré, voire même quelque peu railleur. « Bien, fit-il, j'attendais ce mot avec impatience et anxiété. » Il lut à haute voix pour le détective le télégramme. Entrevue préparée. Affaire marchera comme vous voulez. Amitié, Jacques. Le comte ajouta. C'est encore un de mes amis que j'ai dépêché avec un second, auprès d'un certain monsieur, qui s'est permis de tenir publiquement sur mon compte des propos que je juge offensants. Dans la rue devant l'hôtel du banquier, stationnait une foule fiévreuse. Dans le public, friand de ces drames, on garde la conviction que la confrontation est la première preuve de la culpabilité. Dans le cas présent, cette opinion s'affirmait d'autant plus que d'après les journaux du matin ayant cité les noms des derniers visiteurs, M. Laurent et le comte de la Guérinière, on voulait déjà tenir l'un ou l'autre pour coupable, tout en espérant que ce serait plutôt le comte. La personnalité du brillant gentilhomme, son nom, ce qu'on savait de lui, de ses aventures, de ses conquêtes, de ses chevaux, le rendait le héros favori, corsait étrangement le drame et flattait à souhait le goût romanesque de la foule impressionnable, impulsive. Lorsque l'automobile déboucha dans la rue, qu'on reconnut le comte à côté du détective, populaire lui aussi, on crut à l'arrestation. Tout d'abord on murmura « Le comte de la Guérinière, le voilà !» Peu après on dit plus haut « L'assassin !» Puis, comme toujours en pareil cas, des poings se tendirent furieux, des cris s'élevèrent « À mort ! À mort, l'assassin !» Le comte frémissait. Il eût voulu se jeter sur cette populace avec la cravache qu'il tenait à la main, forcer les braillards à se taire. Mais Paulin Broquet le retint dans le fond de l'automobile. À ce moment, un homme à barbe hirsute, coiffé d'une casquette de drap informe, crasseuse, parvint à franchir le cordon d'agent, à s'accrocher à la portière de l'automobile. Cet homme cria d'une voix éraillée, brûlée par l'alcool, avec l'accent le plus gras des faubourgs, des fortifs. C'est pas trop tôt que la justice s'occupe de la noblesse. Ton compte est bon, monsieur le comte. Tu peux aller à la confrontation, ça y est. Tout d'abord surpris, le comte de la Guérinière regarda cet homme, l'écouta, et lui, qui tout à l'instant voulait charger la populace à coups de cravache, ne tenta même pas de donner un coup de poing sur cette bouche ignoble, qui, si près de lui, graillonnait l'insulte. Paulin Broquet, lui, vivement se précipita. Il essaya de saisir l'individu au collet, le manqua. Il cria fortement aux agents « Arrêtez cet homme ! Arrêtez cet homme !» Mais l'homme, qui sut échapper à la poigne du détective, cependant très prompte, se perdit dans la foule. L'automobile, peu après cet incident, se rangea devant la demeure du banquier. Le comte sauta lestement à terre et monta les quelques marches qui conduisaient au véhicule, de l'air le plus dégagé du monde. Paulin Broquet, par contre, montrait un visage rembruni. Son front se plissait sous ses sourcils rejoints, ses yeux brûlaient étrangement. Ceux qui le virent, ses collègues, son chef, pensèrent « Oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Broquet n'a pas l'air content. » Dans un petit salon, derrière une table Louis XV, M. Urbain se tenait, ayant à côté de lui M. Baumier. Sur une autre table, les greffiers se disposaient à sténographier l'interrogatoire. Le comte introduit prit place sur une chaise en face du juge d'instruction. Paulin Broquet se tint debout derrière lui. « Monsieur, commença le juge d'instruction, voulez-vous me donner vos noms, prénoms et qualités ?»« Faustin, comte de la Guérinière, rentier. »« C'est bien votre nom véritable ?»« C'est mon nom, mon titre authentique. »« Bien. Vous n'avez jamais subi de condamnation ?» Le comte sursauta. « Monsieur le juge, s'écria-t-il d'un air indigné, vous me posez une question qui me blesse profondément. Vous êtes en présence de la justice. Veuillez répondre à la question. Mon casier judiciaire parlera pour moi. Néanmoins, je proteste énergiquement. Il n'est pas que je sache dans les usages de poser pareille question aux témoins. C'est exact. Aussi, monsieur, n'êtes-vous pas cité comme témoin ? À quel titre alors ? Comme prévenu. Le comte se dressa d'un bond. « Prévenu, moi, accusé de quoi ?»« D'avoir tenté d'assassiner M. Montreuil. »« Allons donc, c'est fou, moi, accusé ?» L'accusation est formelle. « C'est fou, vous dis-je, c'est fou !»« du calme, » lui dit Paulin Broquet en le prenant par le bras et cherchant à le faire asseoir. « Du calme ? Croyez-vous qu'on puisse jouer comme vous le faites avec la conscience d'un homme, l'honneur d'un gentilhomme, sans qu'il bondisse, sans qu'il proteste ?»« Pas de bruit. » lui dit M. Urbain. « Pas de cri, je vous en conjure. »« Mais ma tête est en feu. Mon cœur bat tout rompre, tout mon être est en révolte. Accusez-moi de cet assassinat, parce que le hasard m'a fait venir dans la banque le jour du meurtre. Belle raison. Voyons, messieurs, pour m'accuser ainsi cependant, il faut un point de départ sérieux, grave, irréfutable. Sur quoi basez-vous cette accusation ? Qui donc peut oser m'accuser, moi, d'assassinat ? M. Montreuil lui-même. Ce n'est pas vrai, c'est faux. M. Montreuil a menti. Pardon ? M. Montreuil a déposé devant nous. Longuement, il a signé sa déposition. Le juge d'instruction poursuivit. On vous en donnera lecture tout à l'heure, devant lui. En substance, voici ce qu'elle contient. Vous êtes venu voir M. Montreuil. Vous avez essayé de lui emprunter une forte somme. M. Montreuil refusa. C'est exact. M. Montreuil s'est levé, vous a reconduit jusqu'à la porte de son cabinet. Et je suis parti, donc je n'ai pu le tuer. Mais vous êtes revenu. Revenu, moi, revenu, non ! D'ailleurs, il y avait un autre visiteur. Je n'accuse pas cet homme, mais je déclare, je prouve que je n'ai pas pu revenir. C'est précisément pour bien éclaircir ce point capital que nous allons vous mettre en présence du banquier. Bien, monsieur, bien. Je n'aurai dans ce cas aucun mal à me disculper. Le comte semblait maintenant revenir au calme, se rendre tout à fait maître de ses nerfs. Un revirement s'opérait en lui. Il reprit sa place sur la chaise et d'une voix posée, mais cependant encore tremblante d'émotion, il dit à M. Urbain « Je vous demande pardon, monsieur le juge, de m'être laissé aller ainsi à mon indignation. Mais quel homme fort de sa conscience ne se fût dans la même conjoncture conduit comme moi, vous me pardonnez ?»« Je vous écoute, monsieur. » Quand j'attribuais à cette odieuse accusation toute autre origine, je me suis révolté. À présent, j'en connais la véritable source. Me voici calme, rassuré. Loin de redouter cette confrontation, je la désire, je la réclame. Je rappellerai exactement à la mémoire de M. Montreuil tous les détails de ma visite, et je jure que rien ne subsistera de sa déposition.